juste un amour pour moi de me tuer. Pourquoi tu me laissais comme ça quand j'avais besoin de toi, mon amour? Merde!